Le purgatoire selon Maria Sima. 29. Amour de Dieu et du semblable. J'ai reçu ces exhortations en dictée des âmes. Je crois qu'elles sont importantes et qu'il faut les prendre au sérieux. Que le Seigneur vous accorde ses bénédictions afin que ces enseignements servent tous ceux qui les liront et les prendront à cœur, et puissent-ils les conduire à la félicité éternelle. L'Église parle beaucoup aujourd'hui de l'amour du semblable et invite souvent à aimer les autres comme soi-même. Cette recommandation est peu suivie, et on n'explique pas comment le vrai amour de notre semblable prend naissance de l'amour de Dieu. Celui qui aime vraiment Dieu, aime son semblable par amour pour Dieu. Même s'il doit parfois durement le réprimander, c'est encore par amour pour Dieu. Nous voulons recevoir de l'amour, mais nous pensons rarement à en donner. Le fondement de l'amour du prochain est dans l'amour de Dieu, aimer les autres par amour, pour Dieu produit ses fruits. C'est de là également que vient la force des grands sacrifices, par l'amour véritable, béni et manifeste. Il faut pour cela garder à l'esprit cette leçon de l'amour de la croix, crucifixion. Celui qui veut enseigner l'amour de Dieu et du prochain doit lui-même avoir un grand amour de Dieu et du prochain. La parole peut adoucir, mais c'est l'exemple qui va droit au cœur. Il y a malheureusement dans notre Église, comme on vous le rapporte si souvent, beaucoup de prêtres qui prêchent l'amour du prochain. Combien ils insistent sur cela. Ce serait parfait si la pierre angulaire de l'amour du prochain reposait sur l'amour de Dieu et s'ils donnaient eux-mêmes le bon exemple. Mais où donc se trouve l'amour de Dieu et du prochain lorsque le prêtre demande aux fidèles de recevoir la communion debout et dans la main, alors que beaucoup voudraient s'agenouiller pour recevoir la sainte communion, comme il le faudrait lorsqu'on est en présence du Dieu Tout-Puissant? Et où est cet amour, lorsque celui qui s'agenouille ne reçoit pas la communion et que à l'occasion de leur première communion on exige des enfants qu'ils la reçoivent debout et dans la main, devant leurs parents et grands-parents qui en souffrent beaucoup? Oui, où est tout cet amour, pour Dieu et pour le prochain? Combien de temps faudra-t-il encore à ces messieurs avant de comprendre leur aveuglement, et à quel point ils sont éloignés de l'amour de Dieu et du prochain? Vous savez vous-même par expérience que recevoir la Sainte Communion debout et dans la main a été la cause de bien des discordes et parfois même de querelles dans de bonnes familles catholiques. Pensez-y réellement. D'où viennent cette détresse et ce manque de respect? Recevoir la communion debout et dans la main est l'œuvre de Satan, et il y a pour cela bien des preuves. Celui qui ne le voit pas est frappé d'aveuglement. On prend alors excuse qu'il faudrait s'y soumettre par amour fraternel. Non, ce qui contredit l'amour de Dieu ne devrait pas être fait par amour du prochain. L'amour du prochain ne peut pas aller jusqu'à insulter Dieu. Le pape est lui aussi contre la communion dans la main et demande par conséquent qu'on utilise la patène lorsqu'on reçoit la communion. Où est cette obéissance? Bien des évêques en accusent d'autres de ne pas obéir au pape, mais est-ce qu'eux-mêmes lui obéissent? Les évêques américains avaient commencé par dire « Nous n'autorisons pas la communion dans la main parce que le pape ne le veut pas ». Si les autres évêques avaient fait la même chose, les fruits que produit notre Église seraient bien différents. Pourquoi vouloir retirer la paille de l'œil du voisin lorsqu'on ne voit pas la poutre qui est dans le sien? On entend également ce raisonnement. Oui, mais c'est l'attitude intérieure qui compte. C'est précisément parce qu'elle ne prédispose pas à une bonne attitude intérieure qu'il faut rejeter la communion dans la main. Combien de fois n'a-t-on pas entendu, avant la communion dans la main, jamais je n'avais douté de la présence réelle de Jésus dans la Sainte Hostie. Mais les doutes surgissent maintenant de partout. Et des théologiens nous disent, j'ai quitté le séminaire parce que ma conscience ne m'autorisait pas à distribuer la Sainte Communion dans la main. D'autres nous confient, je ne vais plus communier par crainte d'être traité trop durement lorsque je ne veux pas recevoir la communion dans la main. Est-ce que tout cela incite à une bonne attitude intérieure? Oui, l'attitude intérieure est importante et c'est pourquoi il faut abandonner la communion dans la main. Vous avez vous-même souvent entendu cette plainte. Je ne ressens plus de chaleur dans notre église. Il faudrait en chercher la cause profonde et découvrir ce qui ne va pas. Vous avez tout à fait raison de dire, tant que la communion debout et dans la main ne sera pas interdite dans notre église, la profondeur de la foi ne s'améliorera pas. Combien de bonnes communions ne sont plus reçues parce qu'on distribue la communion dans la main ou parce que la distribution est faite par des laïcs, sans raison valable. Quelqu'un sera un jour tenu responsable de toute communion qui n'aura pas été reçue à cause de cela. Ce n'est qu'en cas de nécessité extrême que l'évêque doit accorder cette autorisation. Le fait de vouloir accélérer la distribution ne suffit pas et cela ne devrait donc pas être permis. Les évêques devraient considérer la question beaucoup plus sérieusement avant de décider s'il y a ou non nécessité extrême. Il faudrait rétablir dans les séminaires un ordre strict qui favorise un esprit de pénitence et beaucoup plus de pieux sacrifices. Il y aurait alors beaucoup plus de postulants et bien moins de démissions, et il ne serait plus nécessaire de faire appel à des laïcs pour distribuer la Sainte Communion. Oui, l'attitude intérieure est importante. Ne voyez-vous pas que l'objection, c'est l'attitude intérieure qui est importante avec la communion dans la main. Est une ruse du malin? Que cela va entraîner les plus horribles sacrilèges en permettant que des hosties consacrées soient plus facilement volées et vendues très cher pour ces soi-disant messes noires? Oui, pensez-y sérieusement. Jusqu'où ne sommes-nous pas tombés avec cette modernisation dans l'Église? Dieu ne se laisse pas moderniser et les 10 commandements non plus ne se laissent pas moderniser, car ils sont aujourd'hui ce qu'ils étaient hier. Sortons l'éducation sexuelle des écoles. Cette question regarde les parents et non les enseignants. Oui, revenons à un esprit de prière et de pénitence. C'est l'unique moyen d'améliorer la foi. Tant que la communion debout et dans la main ne sera pas strictement interdite dans notre Église catholique, les fidèles ne pourront pas approfondir leur foi car la révérence devant la Sainte Eucharistie souffre grandement de cette attitude. Lorsqu'on enlève au peuple la révérence en face du Saint des Saints, l'amour de Dieu et l'amour du semblable en souffrent également. Oui, si chacun veillait continuellement à entretenir l'amour de Dieu et du prochain, comme la vie serait belle sur terre. Commencez par de petites choses, un mot aimable ou un regard de sympathie par exemple. Les fonctionnaires et les bureaucrates en particulier pourraient faire beaucoup de bien en étant plus serviables, plus charitables et plus compatissants. Cela ne prend pas plus de temps, seulement un peu plus d'amour, de bonté et peut-être un peu de volonté. On pourrait ainsi accomplir beaucoup de bien et cela vaudrait bien ce petit peu de volonté. On est alors plus heureux et plus en paix, car la joie que l'on donne nous revient dans notre propre cœur. Ce ne sont pas les colporteurs de nouvelles à sensation qui aident le monde, mais les âmes charitables qui attirent peu l'attention et lui procurent ainsi plus d'amour et de soutien par le prière. Ceux qui avec patience et par amour, pour Dieu souffrent dans les caves et les greniers, résolvent bien plus de problèmes religieux et sociaux que les plus savants personnages à leur table de travail. Ne pas juger. Ne juge pas ton prochain, mais juge-toi toi-même. C'est par là que commence la paix dans le monde. Si le cœur était libre de toute suspicion, de tout mépris, de toute colère et de toute antipathie, libre de toute critique malveillante, il n'y aurait plus de place sur la terre pour le manque de paix, pour la discorde, l'animosité et l'injustice. Et il n'y aurait alors plus de guerre. Si l'amour et la bonté régnaient partout dans les pensées, dans les paroles et spécialement dans les actes, alors seulement la vie serait belle partout sur la terre. Si quelqu'un s'y mettait aujourd'hui, cela apporterait bien des bénédictions. Donnez de l'amour et de la bonté partout où vous le pouvez, mais cela toujours par amour pour Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de donner un amour véritable et béni. Si chacun s'y mettait aujourd'hui, cela pourrait très rapidement et sûrement améliorer et renouveler le monde. L'amour, la prière et le sacrifice sauvent le monde. Participez à cela autant que vous le pouvez pour sauver le monde. Et pour cela, récitez souvent la prière suivante, si riche en bénédictions. Seigneur, pardonne à tous ceux qui ont pu me calomnier ou être injustes envers moi, afin que je puisse à mon tour recevoir de toi les pardons pour tous mes péchés. Seigneur, accorde-moi ton amour, afin que je puisse aimer mon prochain avec ton amour. Seigneur, fais-moi le don de ton amour, afin que je puisse aimer tous les autres avec ton amour. Seigneur, donne-moi la force de supporter patiemment toute souffrance par amour pour toi, parce que je sais que je peux sauver ainsi beaucoup d'âmes et ressentir moins sévèrement la souffrance. Je te prie pour obtenir cette grâce, ô Jésus, et je prie aussi pour toutes les âmes qui souffrent physiquement ou mentalement, afin que plus d'âmes puissent ainsi être sauvées, spécialement les âmes des prêtres, et que bientôt il n'y ait plus qu'un seul berger et un seul troupeau. Priez que les prêtres honorent la Mère de Jésus. Marie, Mère des cieux et de la terre, Mère des prêtres, envoie le Saint-Esprit aux prêtres afin qu'ils te reconnaissent comme leur mère, co-rédemptrice, puissant secours dans le sacerdoce. Vous devez ramener Marie dans votre vie quotidienne et vous pourrez alors ramener les égarés vers Dieu avec Marie, par Marie à Jésus, voilà le chemin le plus sûr vers Dieu. Beaucoup de prêtres réapprendront ainsi l'humble génuflexion devant Dieu en recevant la Sainte Communion et à la Sainte Messe. Il est bien de s'agenouiller pendant le confiteor, la prière d'intercession, le sanctus, et spécialement pendant la consécration, puis pendant l'Agnus Dei et aussi pour recevoir la bénédiction du prêtre. Oui, bien des cœurs seront alors de nouveau heureux et ressentiront une chaleur dans l'Église. Par la prière et le sacrifice, vous obtiendrez ce qui est nécessaire pour sauver votre âme, celle des prêtres et de bien d'autres. Récitez au Saint-Esprit cette prière de la Pentecôte avec confiance. Viens, ô Esprit de sainteté descendu de la gloire du ciel, envoie ton rayon de lumière. Viens, Père des pauvres. Viens, lumière des cœurs, et demeure avec tes saints dons, consolateur dans la solitude, repos plein de charme. Viens, ô ami des âmes. Dans la fatigue envoie le repos, dans le feu la fraîcheur, console qui pleure sans consolation. Ô lumière de béatitude, prépare nos cœurs à te recevoir, force l'entrée de nos âmes sans ta souffrance vivante, rien ne peut résister chez l'homme, rien en lui ne peut être bon. Purifie le souillé, guéris le blessé, désaltère l'asséché, adoucis l'endurci, fais fondre le glacé, ramène qui s'égare. Saint-Esprit, nous t'en supplions, donne la puissance de tes saints dons à chacun avec beaucoup de grâce, accorde-nous des mérites en ce temps, et une pure félicité après un voyage bien rempli. Amen. Et cette autre prière opportune au Saint-Esprit. Éclaire-nous, ô Saint-Esprit. Fais-nous grâce, même au tout dernier moment, que le terrible jugement qui attend l'humanité pécheresse puisse être écarté. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, que tu mettes l'amour là où est la haine, que tu mettes le pardon là où est l'offense, que tu mettes l'union là où est la discorde, que tu mettes la foi là où est le doute, que tu mettes la lumière là où est les ténèbres, que tu mettes la joie là où est la tristesse. Seigneur, que je cherche plutôt à consoler qu'à être consolé, à comprendre qu'à être compris, à aimer qu'à être aimé. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Conseil concernant nos anges. Il est très nécessaire ces temps-ci de recommencer à rendre un plus grand honneur à nos anges gardiens et entretenir un contact avec notre propre ange gardien avec confiance. Les esprits mauvais se sont introduits dans l'Église. Il vous sera donc impossible de lutter seul contre ces puissances du mal, et vous avez plus que jamais besoin de la protection des anges. Plus vous les invoquez avec confiance, plus ils ont le pouvoir de vous protéger. Les esprits mauvais sont à l'œuvre dans 70 à 80% de tous les accidents, aussi, chaque fois que vous vous rendrez quelque part, vous devez faire appel à l'ange gardien du conducteur et des passagers pour qu'il vous protège contre tout accident, ainsi qu'aux anges gardiens des autres conducteurs que vous rencontrez sur la route. Si vous faisiez cela, plus de 50% des accidents pourraient être évités. Il est malheureux que des prêtres aujourd'hui nient l'existence des anges. Un grand nombre d'enfants dans les classes de religion n'entendent jamais parler de leur ange gardien et ce sont les parents qui devraient veiller à ce que leurs enfants prient chaque jour leur ange gardien et leur apprendre quels sont les devoirs de leur ange gardien envers eux. Procurez-vous de bons livres sur les anges. Ce n'est que dans l'éternité que vous apprendrez la reconnaissance que vous leur devez pour des choses pour lesquelles vous ne les avez jamais remerciés, et combien plus ils auraient pu vous aider si vous ne les empêchiez pas de vous parler. Avant tous les grands événements et toutes les discussions importantes, priez le Saint-Esprit et votre ange gardien de vous aider à agir correctement. Croyez au Saint-Ange, faites-leur beaucoup plus confiance. Saint-Esprit, donne-moi la force de dire courageusement la vérité sans blesser l'amour. Saint-Esprit, mon ange gardien est Michel Archange, chassez les puissances du mal qui sont au milieu de nous. Saint-Esprit, Esprit de vérité, donne à toutes les personnes présentes le courage et la force de dire la vérité, que les mensonges et les tromperies soient écartés par la puissance des anges. Amen. Bon usage du temps. Ce n'est que dans l'éternité que vous connaîtrez ce que vous avez fait de votre temps durant votre vie, de toutes ces années, de tous ces jours et de toutes ces heures, et ce que vous auriez pu en faire. Vous connaîtrez alors également les occasions que vous aurez perdues de faire le bien, et lorsque vous serez dans l'éternité, il sera trop tard. Que ne feriez-vous pas pour recommencer à neuf votre vie si vous saviez ce qu'est l'éternité? Et voici d'autres leçons à retenir. Ce qui est long n'est pas éternel, mais ce qui est éternel est long. Cueillez les roses tandis qu'elles fleurissent, car demain n'est plus aujourd'hui. Ne laissez passer aucune heure, car le temps fuit. Nous bâtissons bien des maisons solides, et nous n'y sommes que des invités, mais pour notre demeure éternelle, nous construisons fort peu. Dieu vous accorde du temps pour que vous puissiez faire des progrès à votre âme. L'homme n'entre dans la vie qu'une seule fois, et non une seconde fois, comme beaucoup l'enseignent aujourd'hui. Cet enseignement est faux. Dieu ne nous laisse vivre qu'une seule fois sur cette terre. C'est une ruse de Satan de vous faire croire que vous êtes déjà venu sur terre ou que l'on y revient encore dans un autre corps. Ce sont des mensonges. Quelles sont les grandes choses que l'on pourrait faire avec le temps ? Quel trésor pourrait-on gagner ou perdre ? Le temps coûte cher et il est court, il ne revient pas. Accomplir la volonté de Dieu, voilà quelle doit être votre devise durant toute votre vie. Pourquoi l'homme va-t-il se perdre dans des choses limitées par le temps ? Parce qu'il pense trop peu à l'éternité. Cherchez en toute chose à faire la volonté de Dieu. Ne vous inquiétez pas si vous commettez faute sur faute. La seule chose importante est de toujours se relever et de repartir à neuf. L'erreur est humaine, se relever est une bénédiction, et demeurer dans le péché est satanique. Reconnaissez avec humilité que vous êtes pécheur, mais que personne ne désespère s'il retombe encore et encore, car le Christ est mort pour nous sur la croix afin que nous puissions continuellement nous relever. La plupart de nos chutes sont dues à notre faiblesse, à notre superficialité et à notre négligence, mais rarement à notre malice. Ne vous inquiétez donc pas pour vos propres fautes, et encore moins pour celles des autres. Ne jugez pas les autres. Ceux qui jugent le plus sont ceux qui devraient le plus travailler sur eux-mêmes. Une bonne parole peut guérir, un mot méchant peut tuer, aussi ne jugez jamais les autres. Que pas un jour ne se passe sans un bon mot ou une bonne action. Nous devrions porter le fardeau des autres. C'est la seule façon d'accomplir la loi du Christ. Si seulement chacun s'efforçait de ne jamais juger les autres, de mettre l'union là où il y a la discorde, et de ne dire que du bien de l'autre, sans jamais relever les fautes. Veillez à toujours aider les autres, sans jamais les blesser, et il n'y aura plus jamais la guerre. S'il en était ainsi, il y aurait la moitié moins de monde au purgatoire et l'enfer serait vide. Faites du bien aux autres tandis que vous en avez encore le temps. Le temps viendra où vous ne le pourrez plus et vous ne récolterez que ce que vous aurez semé. Ne jugez pas les autres, mais seulement vous-même. Voilà le commencement de la paix sur la terre. Un bon chrétien a pris en lui-même la décision de n'accomplir que la volonté de Dieu. Il est aimable et gentil envers son prochain. Il revient toujours vers Dieu dans l'humilité et la simplicité. Il s'habitue à tolérer les fautes des autres et les siennes propres. Vous devez progresser et passer de la médiocrité à la sainteté. Beaucoup veulent être de bons chrétiens, mais quant à s'efforcer d'atteindre la sainteté, cela semble être trop haut pour eux. Et pourtant l'Église de Dieu a besoin de saints véritables, non de personnes tant soit peu saintes. Le courant dévastateur est plus fort que les médiocres, comment pourrait-il être arrêté par la médiocrité? Il est très important d'être loyal dans les petites choses, parce que cela renforce l'humilité et conduit à faire de grandes choses. C'est dans les petites choses que les grands se révèlent. L'accomplissement strict des plus petites tâches n'exige pas moins de force que les actes héroïques. Les petites choses ajoutent beaucoup plus à la somme totale du bien chez l'homme que ne le font les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les petites affaires est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est déloyal dans les petites affaires l'est aussi dans les grandes. Grâce envers la sainteté. Attachez beaucoup plus de prix aux grâces qui vous rendent saint. C'était l'objectif de toutes les saintes fonctions de Dieu. Une grâce qui conduit à la sainteté vous apporte l'amitié de Dieu et la fait grandir. Elle vous rend semblable à Dieu. Elle vous donne d'aimer vos semblables. Étant enfant de Dieu, vous faites partie de sa famille. Elle vous donne part à la dignité du Christ en tant que fils et vous relie à Dieu. Elle vous fait participer à la nature divine. Comme enfant de Dieu, vous vivez la sainte et merveilleuse vie de Dieu. La grâce de devenir saint n'est rien d'autre que le courant de vie divine qui jaillit de Dieu et, à travers vous, rejoint tous les autres. Vous faites ainsi partie de la nature de Dieu, de sa mystérieuse nature. L'œil de Dieu par lequel vous regardez est votre foi. La main de Dieu que vous tendez est votre espérance. Le cœur de Dieu avec lequel vous vivez est votre amour. Il y a dans ces trois fonctions quelque chose de la vie sacrée de Dieu, de la providence de Dieu, de l'amour insondable de Dieu. Et ainsi deviennent-elles également des vertus divines. La grâce de Dieu, qui apporta tant de grandeur à d'autres, vous sera aussi accordée, pourvu que vous ne perdiez pas confiance en elle. Pensez-y souvent et priez pour comprendre toujours mieux quel immense trésor nous portons en notre âme avec les grâces pour devenir saints. Parole dite au moment opportun. On connaît le dicton, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oui, mais la parole peut aussi être d'or. Les bons chrétiens aujourd'hui se taisent trop souvent. Que de bien peuvent engendrer quelques bonnes paroles, et que de mal elles peuvent éviter. Le déclin de la foi ne serait pas allé aussi loin dans notre Église si l'on était intervenu plus fermement contre cette interminable modernisation. Oui, la peur de l'homme est grande aujourd'hui. Quelle lourde responsabilité ne faudra-t-il pas assumer lorsqu'on verra clairement que telle ou telle chose conduit droit à l'abîme et que l'on est resté silencieux alors qu'on aurait pu parler, que l'on sait ce qui aurait pu être dit, mais que l'on est resté silencieux pour ne pas être repoussé. Quelle responsabilité! Priez spécialement pour les évêques et les prêtres, dont la peur est la cause de tant de dommages dans l'Église. Beaucoup voient l'abîme mais ne s'en détournent pas pour ne pas être mis de côté. Il y a malheureusement bien des prêtres et bien des évêques sur le chemin de l'abîme, et ils entraînent beaucoup d'autres avec eux, mais plus pour très longtemps, car Dieu interviendra bientôt avec puissance pour remettre de l'ordre si les gens ne le font pas eux-mêmes. Révérence devant Dieu. Ayez plus de révérence devant Dieu. Agenouillez-vous humblement. Ne restez pas orgueilleusement debout devant Dieu. Tout le monde est capable de se tenir debout devant Dieu, mais pliez humblement le genou, voilà qui est plus grand et tous ne sont pas capables de le faire. Oui, il arrive même que des prêtres interdisent aux fidèles de s'agenouiller. À cela, on n'est plus tenu d'obéir. À cause de cela, des catholiques ont déjà quitté l'Église et ne vont plus ni à la Sainte Messe ni à la Sainte Communion. Quelle responsabilité! Oui, l'esprit de sacrifice doit de nouveau revivre. Et l'habit sacerdotal dans la rue fait également partie de la révérence envers Dieu. Beaucoup de prêtres auraient déjà pu servir là où on avait besoin d'eux, mais parce qu'ils ne portaient pas l'habit de prêtre, on ne les trouvait pas. Revenez à vos habits sacerdotaux et religieux, et les gens recommenceront à avoir plus de révérence pour les prêtres. Valeur infinie d'une seule messe. Pourquoi ne dit-on plus aujourd'hui le sacrifice de la messe, plutôt que la célébration eucharistique ou seulement la fête de la messe? Le Christ s'est offert sur la croix jusqu'au sacrifice suprême, il s'est offert ensanglanté, et le saint sacrifice de la messe est après tout le renouvellement de l'offrande du Christ sur la croix. C'est le plus grand des sacrifices. C'est parce qu'il a perdu son caractère sacrificiel que le sacrifice de la Sainte Messe est maintenant si peu apprécié. Par l'offrande de la messe, vous apportez à Dieu le sacrifice le plus précieux vous permettant de lui présenter tous vos besoins et toutes vos actions. Rien ne peut nous rendre aussi heureux que le don total de soi, uni au sacrifice du Christ sur la croix. Par le Christ, la croix est devenue un signe de force de caractère dans l'amour et la fidélité jusqu'à la mort. La croix est le signe d'une force intérieure et le portement de la croix représente des pas sur le chemin de la force intérieure. Il y a des prêtres qui ne célèbrent que rarement la Sainte Messe durant la semaine, et les fidèles sont si nombreux à la désirer ardemment. Est-ce digne d'un prêtre? On entend souvent cette plainte de la part des croyants, et elle est légitime. De la façon dont un tel ou un tel célèbre la Sainte Messe, je ne sais plus si elle est encore valide. Mais je vous prie malgré tout de continuer à aller à la Sainte Messe en demandant avec confiance à notre Seigneur de corriger tout ce qui peut être invalide dans la Sainte Messe, et il le fera. C'est uniquement lorsque vous savez avec certitude que les prêtres ne font plus la consécration que vous devriez cesser d'y participer. S'il ne vous est plus possible d'assister à une bonne messe, transportez-vous alors spirituellement dans une sainte messe toujours offerte de façon légitime. Ayez avec vous un bon missel et priez la messe où vous êtes avec tous les prêtres qui célèbrent en ce moment la sainte messe. Vous devriez y participer ainsi spirituellement chaque fois qu'il vous est impossible d'assister à une messe. Mais il est faux de dire que la sainte messe célébrée sous sa forme actuelle n'est pas valide. Si seulement vous connaissiez la valeur d'une seule sainte messe, les églises seraient au moins à moitié pleines même durant les jours ouvrables. Les bons livres du Père Martin von Cochem, qui expliquent le sacrifice de la messe, ne sont plus disponibles. Ils ont été expurgés. C'est une persécution de la sainte messe à l'intérieur de l'église. Mais on trouve encore aujourd'hui un bon livre, Celebrat Mass with the Ear, franciscain Slavko Barbaric, Hoffman. Et pourquoi les gens vont-ils si rarement à la messe les jours de semaine? Parce qu'ils ne sont plus conscients de son immense valeur. On en parle trop peu, dans les écoles comme dans les sermons. On fera de grands sacrifices pour des choses terrestres qui bientôt disparaîtront, mais les valeurs éternelles sont bien trop peu appréciées parce que les gens les connaissent bien mal. Oui, même des ordres religieux ont abandonné la messe quotidienne. Beaucoup de religieux partent en vacances et n'assistent pas chaque jour à la messe, même s'ils en ont la possibilité. Le Christ s'offre à nous à chaque messe, mais bien peu sont là pour recevoir ses grâces. Un immense trésor vous est offert à la Sainte Messe. Les plaies de Jésus, sa vie, sa mort, son précieux sang. On ne peut pas laisser dormir des trésors. Il faut aller les chercher et travailler avec eux. Vous devez prendre le trésor du précieux sang et l'apporter continuellement au Père par la Sainte Messe en réparation pour vos péchés, comme prix de la conversion et du salut des âmes, et demander les riches grâces nécessaires à l'Église et à tous les hommes. Oui, si vous connaissiez la valeur d'une seule messe, vous donneriez tout pour recevoir cette grâce. Chaque nouveau pas dans la vie de la grâce est un miracle d'amour divin et le signe d'une transformation pour votre âme. À chaque consécration, votre vie passée est élevée à un niveau supérieur de grâce, et vous allez ensuite vivre ces grâces plus hautes. Apportez vos souffrances et vos prières, vos inquiétudes et votre travail, apportez tout dans le sacrifice de la Sainte Messe. À votre mort, toutes les saintes messes auxquelles vous aurez assisté avec sincérité durant votre vie seront vos plus grands intercesseurs. Même avec la rigueur de la justice divine et même si vos péchés sont innombrables et aussi lourds qu'une montagne, À côté de la justice de Dieu se tiendra son infinie miséricorde dans le sacrifice de la Sainte Messe. Tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps d'aller à la Sainte Messe durant la semaine, devraient l'essayer et voir s'ils ne peuvent pas ensuite s'acquitter de leur travail, comme s'ils n'étaient pas allés assister à la Sainte Messe. Pourvu qu'aucun devoir ne soit négligé, car le devoir d'État passe en premier. Ce que l'Évangile ne vous promet pas, vous ne pouvez pas non plus le promettre, une vie sans la croix. L'Évangile sans la croix, c'est pour le ciel, et la souffrance sans l'Évangile, c'est pour l'enfer. Et ici sur terre, nous avons l'Évangile avec la souffrance. Par la croix de la souffrance, nous aidons le Seigneur à sauver des âmes. Si vous connaissiez la valeur d'une seule messe, vous donneriez tout pour sauver une seule âme. C'est pour votre âme que le Fils de Dieu s'est fait homme et qu'il est mort sur la croix, et c'est pour elle qu'il a fondé l'Église. Si vous pouviez voir la beauté d'une âme couverte de grâce, vous voudriez vous aussi mourir pour une seule âme. St. François d'Assise a dit, « Enlevez-moi tout, ô Seigneur, mais laissez-moi sauver des âmes. » Saint James Galgani, « J'ai demandé au Seigneur de m'envoyer des croix pour que je puisse lui gagner des âmes par ma souffrance. » Étudiez la vie des saints. Vous y gagnerez par leur enseignement la sagesse de comprendre la valeur d'une seule âme. Oui, les saints doivent faire partie de votre vie à tous, leur place est dans les maisons du peuple de Dieu. Ils ont disparu de tant d'églises. Les saints sont du grand modèle et ils étaient des gens comme vous. Ils étaient vos pionniers et c'est pour cette raison que leur place se trouve à l'intérieur des maisons de Dieu et non à l'extérieur. En marchant dans leurs pas, vous pouvez vous aussi faire ce qu'ils ont fait. Mais avant toute chose, recommencez à honorer votre Sainte Mère. Tant de prêtres aujourd'hui la mettent de côté et vont souvent jusqu'à remettre en question sa virginité. Un prêtre qui se détourne de la Vierge Marie n'est plus un prêtre catholique et c'est pour cette raison que beaucoup ont déserté le sacerdoce. Nous saluons Marie dans la liturgie. Toi, Mère infiniment digne d'amour. Oui Mère, et non pas Sœur. Voici ta Mère, nous a dit Jésus. Par Marie à Jésus, voilà le plus sûr chemin vers Dieu. C'est un grand legs que Dieu nous a fait. Il l'a fait à chacun de nous. Cela devrait être pour tous une source de joie et de consolation en toutes circonstances. Le mot de Mère réconforte tous les courages brisés. C'est un mot de sécurité. Oui, elle est la Mère infiniment digne d'amour. Pensez à présent à la bonté dont elle témoigne dans ses rapports avec Dieu et avec tous les hommes. Elle était également aimante et digne d'amour dans ses tâches quotidiennes. Toujours polie. La politesse est une vertu et un témoignage d'amour du prochain sous sa forme la plus belle et la plus aimable. Marie était aussi la plus humble des servantes du Seigneur. Oui, tous les chefs de l'Église. Tous les prêtres et tous les évêques doivent de nouveau se faire humbles s'ils veulent retrouver la confiance des fidèles. L'humble reconnaissance de sa culpabilité obtient le pardon, la grâce et la miséricorde. Amour et pratique de l'humilité. Plus un homme se fait humble devant Dieu, plus Dieu peut le grandir. Dieu a placé ses grâces entre des mains aimantes et maternelles. Marie, Mère de toutes les grâces. Quel amour et quelle consolation dans cette pensée. Toutes les grâces descendues sur nous après la mort du Christ pour notre salut sont passées par les mains de Marie. Ses douces mains aimantes ont touché toutes les grâces jamais reçues par les hommes. Quelle révérence vous devez manifester par votre loyauté envers ces grâces. Marie est la médiatrice de toute grâce. Quelle responsabilité en cela. Comme nous devrions nous attrister lorsqu'une grâce, accordée par ses mains, et refusez et revient vers Marie. C'est très souvent le cas aujourd'hui. Vous devriez réfléchir, avec grande révérence, à toutes les grâces de sainteté que vous avez obtenues par votre saint baptême, et à toutes celles qui vous sont également venues par Marie dans cette nouvelle vie surnaturelle. C'est ainsi que Marie est devenue votre vraie mère. Elle nous a porté, pour Dieu, comme des enfants de Dieu, ce que nous sommes. C'est de cette éclatante position que Marie mérite, après Dieu, les plus grands honneurs, notre amour le plus profond et notre confiance la plus totale. Elle est pour nous la puissance de prière qui toujours nous écoute et ne rejette jamais personne. Adoration du cœur de Jésus. Jésus nous dit, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Oui, l'adoration du cœur de Jésus a elle aussi beaucoup diminué dans l'Église catholique. L'Église d'aujourd'hui ne connaît plus l'adoration du vendredi, source de tant de grâce dans bien des villes. Le cœur de Jésus est méprisé par ses créatures. Le cœur du salut est oublié par ceux qu'il a sauvés. Le cœur de Jésus doit être l'artère principale de la vie de l'Église. Il est la source vivante d'où jaillissent sans cesse la vérité et les grâces. Il vous donne force et vigueur sur la voie de la vie éternelle. Tout ce que peut être notre Église est contenu dans ce cœur. Comme enfants de l'Église catholique, nous vivons ici dans la proximité immédiate et vivante du cœur de Jésus. Le divin cœur est la coupe sacrificielle, le don du sacrifice. En lui se trouve son précieux sang. Le cœur et le sang révèlent et clarifient tout à la fois son amour sacrificiel et son être sacrificiel. Et c'est cela qu'il nous offre continuellement dans la Sainte Messe. C'est en acquérant son être que nous honorons le mieux le cœur de Jésus. Aimer le Père par-dessus toute chose, être entièrement ouvert à sa volonté. Aimer les hommes jusqu'à l'extrême et être bon envers eux tous. Que le cœur de Jésus vive à nouveau dans les hommes. C'est pour cela que nous devrions toujours prier. C'est un appel à l'amour le plus profond, une prière d'un prix exceptionnel. La Sainte Trinité tout entière vit dans le cœur de Jésus, le Père Tout-Puissant, la beauté et la sagesse du Fils éternel, l'amour et le royaume du Saint-Esprit. L'amour tout entier du Sauveur vit en lui. C'est avec tout le précieux sang versé qu'il bâtit en lui sont cachés tous les profonds secrets et toute la puissance de la Sainte Eucharistie et de tous les autres sacrements. C'est de lui que s'écoulent toutes les riches grâces, petites et grandes, accordées à toute créature. Oui, ce cœur, avec toutes ses merveilleuses et infinies richesses, devrait vivre et régner dans le cœur des hommes, dans le vôtre comme dans celui de toute créature humaine. Le véritable dévot de la Sainte Mère et du Sacre-Cœur de Jésus surmonte toutes les difficultés. Habituez-vous à rester calme lorsque quelque chose de déplaisant vous arrive, sans vous plaindre. Soyez heureux plutôt de pouvoir souffrir avec le cœur de Jésus. Voilà ce que serait une vraie dévotion au cœur de Jésus. L'œuvre missionnaire. Celui qui n'est pas prêt à veiller sur la santé de l'âme de son prochain n'est pas digne de vivre. Tout catholique est appelé à cela de quelque manière. C'est un devoir de votre foi. La foi met tout en œuvre pour la glorification de Dieu dans le monde entier et cet objectif est pour le fidèle un devoir d'honneur. C'est un devoir d'amour pour Dieu et pour le prochain. Tant d'âmes pourraient être sauvées si tous les catholiques voulaient participer à cette œuvre missionnaire de tout leur cœur et de toute leur force. Un devoir d'obéissance. Allez et enseignez toutes les nations. Un devoir de gratitude pour l'immense chance d'avoir la vraie foi. Quiconque est pénétré par cette chance ressent le désir ardent et la force d'aider les autres à bénéficier de cette chance. Combien les âmes vous seront reconnaissantes au ciel de leur avoir apporté cette grâce par la parole, l'écriture, la prière et le sacrifice, et particulièrement par l'exemple à travers l'amour et la bonté de vos paroles et de vos actes. Et tout cela par pure gratitude envers Dieu. Une souffrance patiemment endurée pour l'amour de Dieu sauve bien des âmes. Amour de l'Eucharistie. Ayez plus d'amour pour l'Eucharistie qui, aujourd'hui, à cause de la modernisation de l'Église, souffre grandement. Payez de retour l'amour eucharistique du Seigneur par votre amour eucharistique. Dites cette prière. Je désire, autant qu'il m'est possible, Seigneur, payer de retour votre amour eucharistique. C'est pourquoi je veux pouvoir assister avec dévotion à la messe quotidienne pour vous recevoir dans mon cœur aussi souvent que mon devoir d'État le permet. Je désire souvent me reposer avec vous en pensée, vous saluer dans tous les tabernacles du monde, spécialement là où vous êtes le plus négligé. Je veux vous rendre visite spirituellement dans chaque église où j'ai reçu des grâces par votre amour eucharistique. Et là aussi où se commettent des crimes contre vos autels ou votre très saint sacrement. Là encore où vous aimiez vous reposer avant d'être repoussé, souvent par un prêtre qui ne vous le permet plus. Je veux aussi vous rendre visite dans les plus modestes chapelles de mission et les huttes, là où ne brille peut-être pas la plus petite lumière. Je veux demander aux Saint-Anges d'inclure dans leur dévotion les plus petites parcelles qui tombent de votre table eucharistique ou qui se retrouvent dans le corporal ou le tabernacle. Amen. Récitez cette prière ou d'autres qui leur ressemblent, et vous en retirerez bien des grâces. La tâche. Pensez-y. Dieu vous a confié, pour votre vie entière, une tâche particulière. C'est de vous qu'il attend ce travail, et de vous seul. Personne ne peut vous remplacer. Si cette tâche n'est pas véritablement complétée, elle restera inachevée pour l'éternité. Vous êtes responsable de tous les conseils que vous donnez à ceux qui viennent vers vous chercher de l'aide. Priez donc souvent le Saint-Esprit afin de pouvoir donner à tous de bons conseils qui les rapprocheront de Dieu. Que l'amour et la bonté prédominent toujours. Demandez les bénédictions de Dieu pour ceux qui passent votre porte. C'est votre tâche. Que rien ne vous décourage. Avec l'aide de Dieu, vous surmonterez toutes les difficultés, car il faut des sacrifices pour sauver des âmes. Mais Dieu a aussi confié une tâche à chaque personne. À savoir que chacun travaille à son âme et fasse autant qu'il le peut usage de ses talents. Que ses talents se multiplient et s'améliorent pour honorer Dieu davantage. Que chacun améliore son âme et celle des autres, et que toujours il aime son prochain en vue de la félicité éternelle. Chaque don que Dieu donne s'accompagne d'un devoir, d'une exigence, d'une responsabilité. Remerciez Dieu pour cette tâche et veillez à toujours l'accomplir. Vous ne connaissez pas le temps qui vous reste pour la terminer. Que chacun puisse remplir cette tâche avec force. L'amour de Dieu vous touche chaque fois qu'une bonne pensée ou un bon désir traverse votre âme, chaque fois que votre volonté décide joyeusement de faire le bien, chaque fois qu'une joie pure vous rafraîchit, chaque fois qu'une souffrance vous envahit, chaque fois que vous entendez une bonne parole, chaque fois qu'un bon exemple vous invite à l'imiter, chaque fois qu'une louange méritée vous parvient. L'amour de Dieu vous touche également à chaque réprimande, à chaque mise à l'épreuve de votre patience, à chaque manque d'amour que vous devez supporter. Vous ne devriez par conséquent jamais vous exciter car en toute chose l'amour de Dieu vous touche. Vous devriez considérer tout cela comme une douce et aimable grâce que Dieu, dans son grand amour, vous envoie, une grâce que vous devez remarquer et utiliser, et pour laquelle vous devriez au moins vous montrer reconnaissant. Tout concourt à votre bien si vous aimez vraiment Dieu. Vous devriez faire connaître ses instructions et ses enseignements. Nombreux sont ceux qui en retireront beaucoup de bien et ils en seront à jamais reconnaissants envers Dieu. Et si vous ne deviez multiplier que pour une seule âme les grâces qui conduisent à la sainteté, votre travail n'aura pas été vain. Travaillez par conséquent pendant que vous le pouvez encore.